Yummy! Aujourd'hui dans Cargo Culte, nous allons manger des gaufres, entre autres. Bonjour, bonjour, c'est Cargo Culte, amis du monde et d'ailleurs, pinaudiennes et pinaudiens. Bienvenue dans ce Cargo Culte qui enfin remet une femme au centre. Vous n'aurez pas échappé l'aspect plutôt tétostéroné de ces dernières éditions de Cargo Culte. Pensez donc, underground résistance, la techno martiale et militante de solides gaillards. A laissé assez peu place à l'expression féministe, on va en convenir. Donc l'expression féministe, eh ben, elle est là. Et excusez-moi du peu, finalement, elle est bien plus couillue chez une femme que chez des gars militants. Parce que oui, du burnet, si vous en voulez, aujourd'hui, il va y en avoir. Vous me pardonnerez des expressions qui, des fois, vont flirter avec l'indécence. Je serai très en dessous des propos qui vont être tenus aujourd'hui par l'héroïne de notre Cargo Culte, c'est Karen Finley, une femme extrêmement importante. L'histoire a certes retenu son nom, et peut-être pas d'ailleurs dans les champs qui lui correspondaient le plus, mais j'y viendrai petit à petit en parlant un petit peu de cette saga. En tout cas, c'est une artiste assez exceptionnelle. C'est une femme d'écrit, c'est une femme de prose, hein, bien plus que de chansons et de disques. Mais elle va passer par là. En tant que performance artiste, si vous voulez, qui, totalement dynamisé par le punk, va se retrouver même dans la foulée, vitalisé par une scène clubbing post-punk. Et laisser un disque assez ahurissant, finalement, en 1987, dont le titre est « The truth is hard to swallow ». La vérité est dure à avaler. Oh, yeah. Et dans la bouche de Karen Finley, effectivement, les propos qu'elle va nous faire avaler sont pas loin de choquer. Ils le feront d'ailleurs. The truth is hard to swallow, ça commence déjà par une pochette qui pourrait être jolie en soi. Le pire, c'est qu'elle l'aime. Karen Finley est une artiste assez complète. Elle dessine, de fait bien, elle dessine cette pochette où un crayon avec assez pastel et puis des couleurs derrière qui font penser quasiment à un drapeau dépeint ce qui apparaît comme un couple un peu bien installé façon bourgeoisie de la fin du 19e siècle, si vous voulez. Et l'un et l'autre se couvrent eux-mêmes de leur propre vomi. Voilà. Alors, de la vomissure, du foutre, du stupre, du caca prout et consorts, ça ne manquera pas chez Karen Finley, au point que ce sera jugé comme une marque de fabrique, mais attention. Attention à ne pas prendre tout ça au premier degré, parce qu'il y a chez Karen Finley incontestablement une notion militante. C'est pour ça que quand je parlais d'underground résistance au début de cette émission en référant à la dernière de Cargo Culte, ben oui, là aussi, il y a une résistance underground à créer. Et en 1904, au milieu des années 80, il y a du boulot. Et c'est là qu'elle va s'en charger, Karen Dalton. Elle vit à New York. À ce moment-là, elle est extrêmement connue pour sa carrière controversée dans l'art performance, mais elle a exercé ses domaines dans presque tous les domaines de la création, finalement. Et je vous le dis, elle reste aujourd'hui pour des recueils de poésie et de prose. Elle dessine, je viens de décrire cette pochette face à vous, elle en fera bien d'autres, pas de pochette mais des dessins, et elle sera même actrice, alors un petit peu par hasard, et pour être sauvée des meubles par des amis réalisateurs qui la font tourner dans des films, elle refusera une carrière hollywoodienne, voilà. Elle aurait accessoirement pu être mannequin, elle a posé dans Playboy, mais j'y viendrai dans une deuxième partie d'émission. Et tous ses titres, toute son expression vise un peu à dénoncer l'oppression, alors spécialement l'oppression des femmes, et tous les sentiments de rage, de dégoût et d'exacerbation qui découlent de ça, quoi. D'où, je vous le préviens encore et encore, une cohorte de convocations sexuelles, voire porno, qui sont là pour aborder également la répression sexuelle elle-même, la violence domestique, l'homosexualité. C'est encore un peu tabou, même à New York au cœur des années 80, en tout cas dans une expression mainstream, d'une certaine manière. Donc Karen Finlay, elle est conflictuelle, elle est provocatrice, elle est eschatologique. Bref, cherchez pas de neutralité là. Encore moins de l'objectivité. Vous êtes prévenus. Au milieu de cette carrière, mais qui correspond finalement à un début, Karen Finlay va enregistrer un premier album. Quand bien même il y en a deux, on peut considérer qu'il n'y en a qu'un seul, puisque le deuxième va être une forme de reboot avec des remixes de titres qui précédaient et qui étaient parus sur cet album. Donc c'est ce disque-là, un peu rare, et curieusement oublié, dont on va parler aujourd'hui. Le fameux « The truth is hard to swallow ». Quand bien même il n'est pas aussi fameux qu'il devrait l'être, il va peut-être le devenir grâce à cette émission. C'est un disque à deux temps. Le premier temps est une succession de titres, et vous allez voir très enlevé avec l'énergie post-disco, hip-hop électronique de l'époque. Bien sûr, tout ça porte la scansion, le verbe, les textes de Karen Finlay, qui en disent. Et la face B, c'est du texte pur. C'est-à-dire que c'est une performance qui a été enregistrée au PS122, Performance Space New York. On ne peut pas confondre le PS122 avec le PS1, c'est deux choses très différentes. L'un est dédié justement à la performance, c'est une scène assez clé et qui miroite assez dans le New York des années 80. Le PS1, lui, va être une antenne du New York MoMA, on n'est pas dans la même échelle non plus, évidemment pas. Pour la petite histoire, Karen Finlay, qu'on a tôt fait de dénoncer comme une traînée mal propre et mal éduquée, est une professeure très recherchée à la Columbia New York University. Voilà, c'est une figure, c'est une tête bien faite, c'est une intello. Et ça l'était là, dès 1987. Allez, j'explique un peu. Il faut savoir un peu d'où elle vient pour comprendre peut-être où on va aller. Donc, elle a une vie new-yorkaise, certes, mais elle vient pas de là. Elle naît à Chicago. Et puis, du coup, elle va tout grandir et faire ses premières expressions à San Francisco. Et elle passe à San Francisco par le San Francisco Art Institute, et où justement, elle va avoir comme prof Linda Montano. Alors, Linda Montano, c'est une figure aussi dans l'art performance. On est dans ces figures des années 60 et 70. Et c'est les années où l'art performance est peut-être au plus culmine, finalement. Quand Karen Finlay va en faire, dans les années 80, d'une certaine manière, l'art performance, non pas qu'il n'existera pas, la preuve, mais à la limite, il changera de nom, et il leur a fallu qu'il soit totalement dynamité par de l'intérieur et par l'époque, donc le punk et ce qui suit juste après, pour pouvoir se réexprimer pleinement. Et avec la provocation qu'on va entendre là. Mais retour donc sur cette scène de San Francisco, parce que tout explose aussi à ce moment-là. Elle s'acoquine avec la scène punk de l'époque, elle est très copain avec les Dead Kennedys et les Dills, qui sont deux groupes forts qui émergent de cette scène-là. C'est les Dead Kennedys qui vont le plus rester. Et Finlay va être une performeuse assez régulière du Mahube Garden, c'est du club foot. Le club foot, c'est la cuisine des Dead Kennedys, quoi. Un événement marquant est la disparition et le suicide de son père, Karen Finlay, en 1978. En guise de catharsis, Karen Finlay va signer son premier brûlot, qui est aujourd'hui considéré comme effectivement une historique, qui s'appelle « Death Cakes on Autism ». Voilà, des gâteaux de mort et de l'autisme. Waouh. Rien qu'un titre comme ça, vous savez que la femme nous engage sur quelque chose d'assez lourd, volontairement pesant, et évidemment, mais avec du sens. Karen Finlay est en plein cette scène-là. Elle va épouser un des membres fondateurs des Keeper Kids. C'est un duo performeur punk vachement intéressant. Là encore, super, super underground. Elle se marie avec Brian Roof, qui est un des deux piliers du truc. Alors, le mariage ne dure pas, d'ailleurs. Mais enfin, bon, voilà, c'est l'histoire. Puisqu'elle va partir après à New York. Là, je pense que je résume assez vite des années. Là, elle divorce de son monsieur. Et la voilà prête pour embrasser une scène qui est... Bah, qui explose à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui explose pas à New York à ce moment-là? Ça explose tout le temps, si vous voulez. Ses premiers enregistrements, elle les doit à la scène du Dunset Area. C'est assez intéressant de signaler ça. Le Dunset Area, c'est animé par un producteur très fin qui s'appelle Mark Cummins. Mark Cummins, c'est un gars... C'est le petit copain de Madonna à l'époque. C'est lui, d'ailleurs, qui va faire en sorte que Madonna soit enregistrée sur Sire. Il fait travailler au bar de la discothèque de Dunset Area Karen Finley. Et il va favoriser aussi le fait qu'elle puisse enregistrer un disque. Donc, c'est très intéressant que finalement, cette expression radicale, elle vient d'une scène club. Et ouais, spécialement du Dunset Area, qui fait complètement la hype au milieu des années 80. Quoi. Premier single dans la boîte. Et c'est le seul titre de musique, alors je vous incite à aller chercher en ligne, c'est les seuls lyrics de Karen Finley que vous trouverez en ligne. Les autres ne le sont pas. Alors du coup, profitez-en, hein. Genius.com, moi je l'ai fait. C'est le premier morceau qu'on va écouter qui du fait introduit l'album. Donc moi j'ai fait une petite inversion dans le truc, je vous donne le premier morceau qui annonce l'album qui suit quelques mois après, et dans la foulée on aura l'album, qui, je le répète, sera constitué de deux parties, une partie musicale et une partie performance, strictement parlée. Donc. Il est de bonne aloi de faire travailler Google Trad et lui demander de bosser un petit peu pour traduire des choses intéressantes. Donc j'ai trouvé les paroles de Tales of Taboo. Et quand je demande à Google Trad de me les traduire, et il a bien bossé, le petit Google, voilà ce que ça donne. Je ne vous prouverai rien que c'est totalement explicited lyric et X-rated. Allons-y. Je ne t'appartiens pas, bâtard. Putain de trou du cul. Tu veux sucer ma chatte? Alors laisse-moi te sucer la bite. Suce ta bite, salope de bâtard. Je vais avoir ton zizi dans mon cul. Eh bien, j'ai ta putain de bite. Elle est bien dans ma chatte. Je ne vais pas la lâcher, espèce de merde. Tu ne veux pas me posséder comme tu l'as fait? Commence à lécher ce petit jus de chatte. Et peut-être que je prendrai ce clito. Mets-le sur ton visage, bâtard. Mets-le sur ton esprit. Fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir maintenant. Laisse-moi te dire comment je prends les ignames. Je les enfonce dans le cul de ma grand-mère. C'est une mamie vraiment, vraiment sympa, ma grand-mère. Et je ne touche jamais sa chatte parce que c'est ma grand-mère. Et j'aime son cul. Et je prends ses gaufres belges. Je les étale dans sa fente et je les mets dans son trou de balle parce que j'aime ses gaufres belges et je prendrai cette bière belge. Oh je jouis, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir. Suce mon téton, suce mes seins, suce mon clito, suce mes seins. Oh maman, maman, tu suces ta grand-mère et tu baises ta sœur aussi. Et j'ai ces enfants mulâtres assis sous ma robe. Fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir mon garçon. Je sucerai ton zizi pour toi. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être baisé avec un doigt. Tu aimerais être un faiseur de bébé. Oh, tu aimerais. Tu veux peut-être juste être baisé dans ton cul, mais tu ne sauras jamais ce que ça fait, parce que j'ai ces orgasmes multiples et je jouis toutes les nuits. Oh, mon garçon, suce-moi, juste suce mes seins. Fais-moi plaisir, fais-moi un sandwich au sein, fais-moi plaisir. Je veux le cul de ma grand-mère, je veux une chatte, je veux ta saucisse dans ma bouche, je veux ces saucisses dans ma bite. J'ai une bite aussi, ça s'appelle un clitoris. Oh mec, fais-moi décoller, décoller aussi. Je nage dans ma pisse et je vais chier dans tes oreilles. Oh merde garçon, chie juste dans ma bouche. Baise-moi, salope de bâtard. Je ne t'appartiens pas. Laisse-moi te fouetter le visage. Laisse-moi te pisser dans la bouche. Oh mec, je vais te chier dessus. Je vais tirer sur cette bite. Je vais tirer sur ces boules. Je vais chier sur toi, femme, une grosse merde brune, chaude et fumante. Je vais te faire jouir. Oh mec, je suis dans le métro avec ces clodos et ils boivent ma pisse. Oh mec, je veux juste... Oh bébé, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir. Je nage dans la pisse et je suce mes seins, fais-moi jouir. Mamie, mamie, suce mon garçon. Tu baisses ta grand-mère et tu baisses ta fille. Tu aimerais avoir un clito, mais tu n'as que de la bite. Garçon du sperme, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir. Suce-moi bien. J'ai ces gaufres belges dans ma chatte, de la bière dans ma chatte, et mon garçon, je ne t'appartiens pas un seul instant. Je vais sucer cette bite, je vais sucer ce zizi. Écoute-moi bien, monsieur le cheval. Lâche ce ghetto blaster. Drop that ghetto blaster. Et ça retenait bien cette phrase originale. Bon, bah, je pense que vous méritez la totale maintenant. blast off. Suck me off, suck me off, suck me off. Sensation. look at them. Oh, you look at them, oh, you look at them, 'cause you wanna suck them dry. Oh, just let the milk flow from that piece of cattle. Just let that milk flow from that piece of sacred cow. Oh, I'm nothing but a sacred cow. And you look at my pussy, baby, and you never touch it. Oh, you look at my tender animal, and you just dance like a golden serpent, baby, but I never let you touch me. That strum stringed instruments, Nordic winds from great lands with great peoples, costumes, breastplates, goblets, and ritual. I want to whisper the call of mourning doves in your ear. The tall man spoke with cool colors. Lavender auras were beside him. Call him a sweet breath of magnolia. It wasn't nice of Neil to perform in the rain. It was Duke, Bird, and Mingus. Cool sounds, hard sounds. Those drummers are at it again. And Neil Young, Santana, and Beefheart behind us. Whatever happened to Joni Mitchell? Too scared to see their 45s and 45 years. Old slabs, no places to go. Old tattoos on withered skin. Sad piercing on our flesh. Children laughing at our mohawks our way. Like yuppies loyal to La Costa. Honey, it's better than a war. Honey, it's better than a war. And I miss Neil Young because of you. What you know about peace, you never see war. What you know about peace, you never see war. What you know about passion, you never see need. You only know greed. With your teeth as dollar signs. You're so mean, you walk past the singing troubadours empty-handed. Not even a nickel for his hymn. Not even a nickel for his hymn. Just not good looking enough. He just a shade too ugly. He just not good looking enough. He just a shade too ugly. You just never quite good enough. No, you aren't. You just a shade too ugly. But it'd be alright. Cause I have long white bodies at night. Silk sheets. Velvet between your legs and the sweet smell of magnolia on your breath. Oh, the lovers are at it again. Ooh, the lovers are at it again. Deep breathing, our noises of nature. Ooh, the lovers are at it again. To the PMRC and politicians. And when I say pussy now, you always think it's my smelly tuna and never my meow. And when I say prick, you're never looking for the needle, but only the throb and gristle. And whenever you see me on my knees in prayer, you automatically think I'm giving you old dog head. Sure, I like animals. And I want to dress up the Washington wives in lace and leather and steel and pull rose ribbons through their meat. I want them to groan for more with their purse nipples in the cool hotel air. I'll fuck them, I'll fuck them, I'll fuck them. They so frigid, not even their hairbrush, bank account, butter, spank, White House, expense, tennis, sex, do them no good. See, they want to fuck all the artists. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bruce, Tina, Yoko, Marianne, Mick and Michael, Prince too. Poets, writers, artists and musicians, critics, and oh yeah, the journalists too. Everyone knows we are the best fucks. Everyone knows politicians are bum dry, fuck all proper in suits and taxes. Oh baby, I just wanna get underneath a red dress and smell your farts. I know they're silent but violent. Yeah, yeah, yeah, silent but violent. They so scared of their smell of sex, they sit and douche all day long, they never sweat. Oh, clean butts. Your shit smells, too. And even the bra section of the Sears catalog gone. And even the tampon instructions gone. All bananas, hot dogs, and oysters gone. All silks, perfumes, dreams. Hi, my name is... Stay for a while. Use my happen. Oh, I went to the tunnel, I went to Palladium, and nothing happened. Oh, so I joined the art world, and nothing happened. I walked through Soho, baby, and nothing happened. Oh, so I quit drugs and booze, and nothing happened. Oh, so I prayed to God, and nothing happened. Oh, so I petitioned, oh, I organized, I rioted, and I terrorized, and I say, something's gonna happen, cause I'm not gonna let you gang rape me anymore, Mr. Yuppie, Mr. Entrepreneur. Oh, I just see you in your clothes and your bank account, smiling, smiling at all my creativity and my soul. Oh, just walking through, you're the reason, you're the reason, you're the reason. Oh, that David's Cookies Gourmet Shops is the symbol of this country. Oh, you're the reason why fast food is the fast growing industry of this nation. Oh, I just want to get you and chain you up, tie you up. Oh, to your Walkman. Oh, to your Haagen-Dazs. Oh, to your Halston, your Bill Blass, your Bloomingdale's. Oh, to your CDs, and you know what? You love it, you love it, you love it. You say it, it's the artistic experience. Oh, so I just open up your asshole, and I stuff it with sushi. I stuff it with Nouvelle Cuisine. Oh, I stuff it with all those pink shirts you're wearing, and you're loving it, you're loving it, you're loving it. Oh, and then I just go and I throw you on the street, and I drag your tongue on Avenue B through the East Village. I just let you lick up the blood and sweat of artists. I just let you lick up the poverty of all of us. Oh, and you are enjoying it. You just grinning, grinning, grinning, grinning, grinning. You just loving it. You can't wait to tell your future, future friends. Oh, and I leave you on the street and I just steal your BMW. And I go down to Wall Street. Oh, and I scare to death with my in my car. I just go to run over you. Anyone that wears a suit. Anyone that looks like they own property. Oh, anyone that looks like they hold political offices. I just want to scare you to death. I just want to scare you to death. I just want to scare you to death. Oh, and then I go into Wall Street. Oh, I go into all those trader buildings. Oh, and I cut off your balls and you don't even bleed. Only dollar signs come out. You don't even miss your balls because you're too busy fucking me with everything else you got. And then I take those balls, baby. They're all scrunched up, all dried up balls. Testicle. Doves. Oh, and she takes those small birds and squishes their necks. tendons, with the stone cutting through our fingers, with the stone just cutting through our bloody, bloody bones. Oh, baby, it didn't matter because she's got ugly hands. She got one. time of my birth. Oh, it was the time of me passing through that vaginal canal, that red pulsing flesh. Oh, and I passed through that tunnel. Oh, I passed through that tunnel, and I knew that this was me. I was nothing but a human penis. Oh, I wanted to go back to my room, back to the old womb from then on. Oh, I just wanted to go back to my old room. So I spent the rest of my life, oh, my manhood, getting in a red car and looking for women in laundromats. Oh, I'd love to find women in page boys. Oh, in gingham dresses, the symbol of their martyrdom. Oh, with little babies, with little frosted baby mamas. Oh, mamas with hot titties. Oh, mamas with hot babies. Oh, I love to see a mama work a machine. I love to see her work a dryer. I love to see her work a washing machine. The smell. Oh, the vibrations. And then I take that baby. Oh, I put some fabric softener on it. And I strap it around my waist and I make myself a baby dildo. And then I fuck that mama with that baby. Because that baby wants to go back to that old room. And I'm nothing but a motherfucker. I'm nothing but a motherfucker. Oh, and I check her titties. I want to lactate them. Oh, but she's dry because she's nothing but a dried old cow. And then I pass out. And it's 20 years later, and I'm in my mama's house, and all the stories are still on. Oh, Oprah's still on, and she's watching a story on incest. Dallas is still on, Dynasty, they're all General Hyde, they're all on. They're all on. The macaroni and cheese, the fish sticks, let me make your stick into a fish stick. Ooh, I want the tartar sauces free, baby. Ooh, no diaphragm cream here. Ooh, that's a different performance, but who cares? I love that fish stick, baby. Ooh, and the tomato soup is there, too. Ooh, and she's got all those safety pins all over her. Ooh, I love safety pins on a woman. Ooh, I love safety pins on a mama. Ooh, pin it, pin it. I don't know what you pin up, but you got it to pin up. I love it. You smoke those Camels, those Pall Malls. Flip that ash, mama. Flip that ash. Flip that ash. Flip that ash. Ooh, she doesn't even look at me. Ooh, look at me, look at me, look at me. Ooh, look at me, look at me, look at me. Ooh, look at me, look at me, look at me. Ooh, and I just take that mama. Ooh, and I put her on that avocado shag carpeting. And I pick up her dress. Ooh, and I go down on her and I fuck her in the ass. I fuck her in the ass and she's watching that show on incest. And I come real quick because I'm a quick worker. Ooh, she's just still watching the shows. So I go down on her ass. Ooh, and then I just go and suck my cum out of her ass. All the Hershey's and coconut. Ooh, and I want her to look at me, look at me, look at me, hate me, hate me, do something. Ooh, so I go up to her mouth. And I throw out a cigarette because I don't want it to get wet because if it got wet, she'd beat the shit out of me. Ooh, and then I go up to her mouth. Ooh, and then I take that cum and I put it back in her mouth. And she just sits there watching the TV and swallows it. And she just looks at me and said, you got not very salty cum, boy. You got lazy cum. You can come on my pancakes anytime. You can come on my pancakes anytime. And I'm your eldest son, I'm your middle son, I'm your only son, I'm named after you. Look at me, father, I'm your son, I'm your son, I'm your son. Oh, and when I told you, father, that I was in love with another man, oh, that I was in love with Lewis, I was in love with Charles, I, your son, was in love with another man, you didn't believe me because you've never been in love yourself, honey. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I thought something could happen. You could feel steal some happiness from me. Oh, Father, many years passed. Oh, and finally in my despair, oh, because I know that you're a doctor, I came to you to tell you, Father, oh, that I was suffering from that disease that afflicts mostly homosexuals. Oh, women and children, too. Oh, they don't want to hear about that. Oh, no. Oh, and all my father could say to me was, I told you to stay away from those queers, those queens, those faggots. Oh, those people with the lisp. I told you to get out of San Francisco, Father. Oh, you call yourself the money man. Oh, you call yourself the provider, the punisher. Oh, Daddy Warbucks, oh, Father. I thought I could go to you as a human being, but that was too much to ask. Oh, you wonder why I send you a crate of shit every day. Oh, yeah. Oh, and when I came to you, Father, and I died. Oh, and I died. Oh, you wouldn't even announce my death. How could you? Because you didn't even announce my life. Oh, Father, oh, no one could mourn me. Oh, no one could mourn me. And you wonder why I curse you from my grave. Oh, because the soul is stronger than the body, baby. Oh, the spirit is stronger than the flesh. I know it. I'm going to curse you, man. Oh, it's the Father in all of us that gives us bridges and tunnels and ways and means. Oh, it gives us the Berlin walls. Oh, it gives us cures and diseases. Oh, it's the Father in all of us. And I pray to you every night, Father. Make me feel wanted! Oh, make me gain this unrequited love. Oh, it's the Father in all of us. And after I fist fucked you with my diamonds, my rubies, my platinum, after I fist fucked you with everything I've got, oh, my CDs, my bank accounts, my property, my platinum and my jewels, my aquamarines, oh, my titles and degrees, I was fucking you with everything I've got down there. When you were just bleeding, and you just looked up at me with your doe eyes and said, oh, it's better to feel abuse than to feel nothing at all. It's better to feel abuse than to feel nothing at all. Belly, and I vomited because I saw Mr. Ray. Reagan on the TV set. We'd have that film camera looking up his asshole again, and I could see that colon cancer, those polyps, those diseases, that Iran. Oh, I know, it's nothing but a big, big Coke deal, baby. That's what it is down there. Oh, that's where it's all going to, and I'm nothing but a defenseless thing. All going to defense, going defenseless, defenseless, defenseless. Oh, I just put it on something else. Oh, and I'm just vomiting and vomiting. I'm thinking about liberty. I'm thinking about freedom. Oh, and I just vomit and vomit. I go outside. Oh, and I just remember the custom, the custom, the custom of tying women's ankles during the birth of their babies. Such a good country! Such a civilized people! Oh, all this technology, let the children just sing through their computers. Oh, I just know it's in the sky just watching me. Everywhere I go, the helicopters, the neighbors, everywhere I go. And I just walk across that man. Oh, I knew him once. Oh, he's got a needle in his arm. I don't know, he's got something else on him. Oh, he's in an epileptic seizure being dry humped by a dog. I just walk over him. Oh, because I've got to make it to the top. Oh, I just walk over him. Oh, I've got to take care of myself. Oh, I just walk over him, baby. My rent's going up. Oh, I just walk over him. I just walk over him. Oh, the turquoise and the yellow and those teeth. Oh, I'm just wondering, oh, wondering. Oh, I don't know. Something's going to be happening here. I try to be responsible to my talents. Oh, I try to feel and do things right. Oh, something's got to happen. Comme il se convient, c'est jusqu'au bout qu'on écoute les applaudissements amplement mérités de Karen Finlay. Donc Karen Finlay performait là au PS 122, Performance Space de New York. Et cette série de sketchs, enfin sketch, ce que le mot s'impose, j'ignore, est donc la face B de l'album The Truth Is Hard to Swallow, qu'on a dépeint aujourd'hui. Album donc de 1987, la performance elle aussi est de 1987. Et puis toutes les parties instrumentales, alors qui elles font foi un petit peu sur le disque qu'on a écouté en première face, voilà, elles ont été faites entre 86 et 87. Tout ça est assez serré dans un laps de temps finalement qui correspond à un tout petit temps dans la carrière de Karen Finlay. Ce ne sera pas une artiste de musique, ce ne sera pas une artiste de variété, ce n'est pas strictement une chanteuse, et pourtant, ça envoie, il y a de quoi dire. Utile de vous dire qu'il n'y a pas eu de passage radio pour défendre Karen Finlay à ce moment-là, mais même dans la scène underground, quoi, c'est ça le truc, c'est-à-dire que les... Voilà, quand on dit j'aime être fistfucké avec un diamant, ça passe pas partout, quoi. Voire ça passe nulle part. Le grand paradoxe, c'est qu'en fait, il va quand même y avoir un titre culte de Karen Finlay sur la scène EBM, donc Electro Body Music, qui est là, à ce moment-là, quoi. Qui commence, j'ai envie de dire. Et dans l'électrobody musique, effectivement, on, c'est peut-être la première culture strictement électronique qui va coller du sexe au truc, qui va coller de la sueur. C'est très viril, c'est très virilisant. Et Karen Finlay aura sa place avec le titre qu'on a écouté en stricte ouverture et dont je vous ai donné la traduction cru de cru. Et Ben oui, je vous le donne en mille. C'est la version instrumentale qui a fait foi et qui passait dans les clubs EBM. Mais au point que c'était même dans les clubs EBM, très vite, la musique EBM est devenue une forme de décorum électronique pour aller donner le jus dans les clubs sadomaso, si vous voulez. C'était devenu assez vite, finalement, une musique putassière, soyons francs. Elle pouvait être excellente, hein, au demeurant. Mais elle était tout auréolée, comme ça, finalement, d'une image sexy, BDSM, cuir, latex, avec tout l'accord de cliché que ça peut avoir, quand bien même il peut y avoir des choses imaginatives derrière tout ça. Et lorsqu'il s'agit de convoquer une référence strictement poétique, sexuelle, sans équivoque, qui est celle de Karen Finley, c'est avec un instrumental qu'elle fait culte. C'est à mourir de rire, et en fait, c'est totalement irrespectueux de la démarche de Karen Finley. On peut gueuler aujourd'hui, et elle l'a fait. Elle l'a fait, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a une deuxième carrière de Karen Finley, en tout cas une deuxième vie, qui, elle, va secouer un petit peu les consciences. Parce que ça passe par... Et là, on est dans un schéma totalement américain. C'est difficile, d'ailleurs, d'avoir les us et tenants de tout ça. Mais toujours est-il que Karen Finley a fait partie des quatre artistes, les quatre artistes de la... Il faut que je retrouve un petit peu mes notes, quand même, mes amis, sur ça, qui se sont vus révoquer des subventions données par le NEA, le fameux National Endorsement for the Art, en 1990. Le National Endorsement for the Art, dans un pays où il n'y a pas de ministère de la culture, c'est quand même quelque chose qui est très important et pour les artistes et pour les institutions qui vont promouvoir l'art, spécialement l'art contemporain. Or, en 90, on est sous l'administration Reagan, ça se passe plutôt mal, pour les artistes et performeurs. Et Karen Finley, ainsi que trois autres artistes, Tim Miller, John Fleck et Holly Hughes, vont se retrouver, en fait, interdits de recevoir l'allocation à laquelle, non seulement ils ont prétendu, mais à l'allocation qu'ils ont reçue, en tout cas en théorie. Et conservatisme aidant, le tout dumpé par un sénateur pro-réganien, sénateur hyper conservateur en place depuis 5 mandats, veto absolu, et principalement sur Karen Finley et à cause de Karen Finley. Donc cette allocation assez importante est retirée à une poignée d'artistes, 4 artistes. C'est assez terrible. Karen Finley décide d'aller au procès. Et c'est un procès au long cours. Procès au long cours qui va faire parler de lui au point que finalement, la notion de performance art, qui n'est pas forcément sur toutes les lèvres de tous les États américains à ce moment-là, bah, va devenir de plus en plus connue. Ça va faire un scandale. Scandale sur le scandale. Mais attention, un procès, c'est coûteux, et elle le perd. Et c'est lourd de conséquences inouïes. Elle perd ses procès. Elle perd l'argent qu'on veut lui donner, qu'on ne lui donne pas. Et pire du pire, le NEA, le National Endorsement for Art, va perdre le privilège de donner des allocations directement à des artistes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça s'est perdu, le National Endorsement for the Art ne donnera de l'argent qu'aux institutions. Bam ! Si c'est pas un coup près, ça. Et ma foi, ça passe par Karen Finley. Alors, on va pas dire que c'est sa faute. Au contraire, elle a révélé un dysfonctionnement, mais qui a pété à la figure des artistes de la fin des années 80. Et croyez-moi, ouais, aux États-Unis, sous une administration reaganienne, bah, qu'on peut tout à fait imaginer, pas totalement prosélyte de cette culture-là, c'était quasiment un bon débarras et ça tombait bien. Une fois qu'elle a perdu ce procès, elle a dû chercher d'autres moyens de gagner sa vie, Karen Finley. Plus question d'envoyer des œuvres dans les musées, même des dessins anodins, hein, parce qu'elle ne dessinait pas que de la pornographie non plus. Donc elle s'est retrouvée tricard, mais elle a quand même continué à écrire des pièces dans des réseaux de diffusion, évidemment underground. Il y en a une qui fait date, et de manière intéressante, coquine évidemment, mais justement il y a une justice quand même. Elle a écrit la pièce « The Return of the Chocolate Smeared Woman », le retour de la femme peinturlurée de chocolat. Et pour ce faire, elle va poser avec le corps nu, peinturluré de chocolat. Mais en créant le buzz avec cette pièce de 1998, elle va attirer l'attention de Playboy, le journal Playboy, et du coup, poser pour Playboy, donc avec une diffusion faramineuse. Playboy, c'est, ça se diffuse partout, quoi. Il est dans tous les états et sur la planète entière. Elle accepte donc, et elle milite même pour y poser, nu, le corps enduit de chocolat. Et voilà, hyper belle promotion, non pas sur elle en tant que telle, mais sur la cause qu'elle entend défendre, sur le performance art. Et ma foi, ce mal va finalement un peu tourner pour un bien. Mais alors quand même, après pas mal d'années, après pas mal de galères, au point que de toute façon, ce coup-là fait, qui était finalement une espèce de passe de toréo noble et bien faite par Clinton, elle va quand même se ranger, en tout cas de son avis se ranger, et devenir enseignante. Voilà. Et elle est toujours enseignante, elle a opinion sur l'enseignement à haut degré universitaire à New York, c'est quelqu'un d'importance. Et bien sûr, elle enseigne dans ses champs, le performance art, etc. Entre-temps, et alors du coup, c'est toujours intéressant d'observer une histoire par le petit bout de la lorgnette. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la musique qu'on écoutait de Karen Finley en 1987, avec sa diffusion quand même assez limitée, va toucher les minorités sexuelles immédiatement. Il y aura Scand l'EBM, un peu sadomaso, qui va jouer l'instrumental de son tube tabou, The Tales of Taboo, hein, tout est dans le mot. Mais dans sa version instrumentale, si on a le temps, là, en sortie, je nous l'offrirai. Mais il y a aussi un chant du cygne que je trouve merveilleux. Alors, nonobstant, parce que le lien de Karen Finley avec le clubbing est extrêmement intéressant et plutôt ambigu. Elle n'a jamais voulu être complètement dans le truc, même si elle était un petit peu une égérie du club Danceteria à New York, au pile milieu des années 80. Mais elle va être, ses propos comme ça vont être samplés et donner lieu comme ça aux véritables aphorismes de la house, dont un qui va faire le tour du monde. Et c'est la conclusion de Tale of Taboo qu'on écoutait en introduction de ce programme. Drop that ghetto blaster. Immédiatement pompé par S-Express, leur fameux theme from S-Express, mais dans la foulée récupéré par plein d'autres artistes. Mark Hollander, sous un de ses prête-noms sur le label SSR, sampleur et sans reproche, fera une espèce de sampleur à le truc sur un beat hardcore. Voilà, je me rappelle de ce truc-là, qui est arrivé en 89 ou peut-être 90. À noter que, tiens, c'est une parenthèse, mais elle fait lien avec Mark Hollander que je citais sur ce projet-là. Le label de Mark Hollander, bien connu, Crammed Record, a réédité quand même l'album de Karen Finley. Alors c'est une réédition en ligne seulement, c'est une réédition Bandcamp, donc pas l'album, rien de physique. Pas plus que les textes qui étaient imprimés quand même sur le disque original, donc c'est un petit peu dommage. Je vous le dis, les textes de Karen Finley sont durs à trouver, en tout cas les textes des chansons. Par contre, on pourra trouver un recueil absolument essentiel, et c'est celui qui va consacrer Karen Finley, c'est The Shock Treatment, le traitement de choc. Oui, hein, tous les mots sont pesés hein, chez Karen Finley, et ils sont faits pour attraper. Je faisais cette parenthèse, mais je reviens sur la musique, je reviens sur cet épiphénomène clubbing qui va mettre en grâce Karen Finley. Elle va être au cœur d'un, pour ça, un combat de tapiole, mais vous savez, on est dans le New York du milieu des années 90, où les deux DJ stars, qui brillent l'un et l'autre dans leurs lieux respectifs, et que sont Junior Vasquez et Danny Tenaglia, notoirement ne se supportent pas, sont l'un et l'autre finalement les maîtres DJ d'un empire du clubbing qui est absolument génial à ce moment-là. Les productions de New Yorkaises sont fabuleuses, quoi. On est en plein au milieu du truc, 94, 95, où tout se passe. L'un officie au Sound Factory et l'autre officie au Tunnel. Club merveilleux avec des sound systems colossaux. Mais les deux DJ complètement rivaux s'envoie des invectives réciproques par biais de samples chopés sur Karen Finley. Il a entendu les propos de Karen Finley hein, entre bitch, sushi, enfin bref, il y a moyen d'en ouvrir plein. Du coup, ça va éveiller la curiosité des clubbeurs sur cette femme venue de nulle part et ô combien provocante, à devenir une égérie gay finalement, chose à laquelle elle prétendait pas forcément au départ. Et Les jeunes producteurs aguerris du truc se sont dit « Mais attendez, il y a les lyrics de Karen Finley qui tiennent, il y a le premier maxi, justement, où il n'y a qu'à prendre la face B, où il y a les lyrics sans la musique, il n'y a qu'à se servir et faire un sample. » Bien sûr, c'est ce qui va se passer. Alors, afin de se quitter, justement, j'ai pioché un de ces samples et un de ces vraiment excellents morceaux de house, pure house, uplifting, house garage vitaminé du milieu des années 90 new-yorkais. Là, on nous voit en 94, plutôt 95, avec la version de Lick It faite par Mood to Swing. Mood to Swing, c'est un duo de producteurs, un petit peu l'équivalent des Master at Work, leurs comparses hein, d'ailleurs par ailleurs, à la tête de super productions très léchées de l'époque. C'est pas un mauvais jeu de mots que je dis ça. Voilà, tube parfait pour lever les bras en l'air, sous substance ou pas, au cœur du New York des années 90. Le morceau ne dépassera pas ça d'ailleurs. Là encore, il y a une omerta sur ce truc, c'est un peu trop chaud. Et comme on aura un petit peu de temps, je laisserai soit alors un texte a cappella de la madame, ou soit peut-être ce fameux Belgian Waffles, qui est l'instrumental du Tales of Taboo, que je dépeins et traduis avec plaisir, ne mentons pas, au début de cette émission. Histoire de se rappeler que voilà, Karen Finn la scandaleuse laissera trace dans la musique avec un instrumental. C'est quand même culotté. Et aussi, et ça autant le revendiquer, quand bien même c'est resté dans un milieu finalement plutôt fermé, avec ce Lick It, revu et corrigé par Mood to Swing, c'est la danse assurée. Des Cargo Cult, merci d'avoir été à l'écoute de ce passionnant programme. Lick it, lick it, lick it, lick it, lick it. lick it. Ooh, lick me good like you should. Lick me good like you should. Lick it straight, lick it long, lick it clean, no afro teen. Take out your tongue, let's have some fun and vibrate before it's too late. And lick it. Yeah! Thank you.